travel the days of freedom, roads leading everywhere. Come with me now and show how you can. Follow the dying embers, cross on the path they lay, breath of the past, the arms yesterday. In your mind, maybe you will find that the past is still turning. Thank you. Purpose, endlessly changes, survival, spring into summer, time. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à Part, l'émission du rock progressif. On a démarré avec deux morceaux de d'Ange. Vue d'un chien de 1980, c'est un coup de chapeau, un hommage à Robert Defer, le guitariste de cette période de Ange, qui nous a quittés. Ensuite, on a continué avec Ange, Rêve Parti, un double album live de 2000, superbe, avec une reprise époustouflante de Quasimodo. Vous voyez là, le coup de chapeau, le lien avec Notre-Dame. On est passé ensuite, on a quitté le Moyen-Âge pour partir à la Renaissance. Renaissance, tout d'abord une réédition somptueuse de chez Ésotérique avec Ashes Are Burning. Ashes Are Burning, ça date de 73, suivi de Song for All Seasons. Song for All Seasons, c'est de 78, également superbe réédition de chez Ésotérique. Ange, Ange, Renaissance, Renaissance. Et bien maintenant, on va passer de l'autre côté de la frontière, aller en Suisse, et écouter avec énormément de plaisir le nouvel opus de nos amis Galahad. Frater, je l'ai reçu samedi, je suis tout content de vous faire partager mon émoi et ma passion pour ce nouvel album de Galahad. Tout de suite, Frater, et bien sûr, le morceau qui a donné le titre à l'album. Frater, mon frère, tu seras le monde à l'envers. Combien de causes dérivent fatal. Très grande forme pour nos Suisses de Galahad, Frater, un album qui mélange à la fois 1er février et Vae Victis. C'est vraiment un retour attendu et qui ne déçoit pas. Il ne nous a pas déçu non plus le Neil Morse avec son show qui a rempli le CCO le mois dernier. Un superbe show de 2h30, plein craqué, des gens qui connaissaient les albums par cœur. Des encore, des bis qui se sont déguisés plutôt en best of. Ça a été vraiment un régal, un light show de toute volée, de très haute volée. Des musiciens tip top, un show à l'américaine quoi. Impeccable. Grâce à l'ami Michel, je vous propose, on l'avait pas reçu, je vous propose un de ses albums phares, Testimony. Testimony, ça date déjà de 2003. Tout de suite, Neil Morse. Hearts can turn. Roots of bitterness can carry the day. And I was done. It was over. I'd become just another heart without. I was angry that God had left me alone. And since I had no hope of living, I began and started giving my life, my shame. Thank you. La magie des ondes, on franchit l'océan Atlantique et on va du côté des pays scandinaves, la Suède plus précisément, pour écouter, grâce encore à l'ami Michel, le dernier album des Flower Kings, Manifesto of an Alchemist. Manifesto of an Alchemist. Playground, there is no one in control. Burning Man. Thank you. Juan Stolt et ses Flower Kings, Manifesto of an Alchemist. Les Allemands de Cyril sont de retour, les fidèles auditeurs de Prog à part les connaissent bien, ces Allemands talentueux, et les voilà de retour avec un nouvel album intitulé The Way Through. Cyril, ça s'écrit C-Y-R-I-L. Voilà, c'est dispo sur Progressive Promotion Records en Allemagne. Tout de suite, un large extrait, un morceau qui s'intitule First Love, entre parenthèses, a lullaby, une comptine. Et vous verrez que c'est étroitement lié au morceau qui suit, qui lui aussi s'appelle a lullaby. Mais tout de suite, Cyril. Yeah. lullaby, said it straight, take her pain. Lullaby, she really loves you. Lullaby. Lullaby, even it hurts you. Lullaby, said it straight, take her pain. Lullaby, she really loves you. Lullaby. Lullaby, even it hurts you. Lullaby, said it straight, take her pain. Lullaby, she really loves you. Lullaby. Lullaby, even it hurts you. N'est-ce pas que c'est bien Cyril, C-Y-R-I-L. Nouvel album intitulé The Way Through. Et d'une comptine d'une berceuse lullaby, on saute à une autre berceuse, cette fois-ci italienne, on était en Allemagne, italienne, avec une nouvelle formation qui s'intitule Evelyn's Dust, la poussière d'Evelyn, un nom assez rigolo, c'est un groupe, une formation italienne qui a signé sur Giant Electric P, c'est le label entre autres de IQ, et vous allez voir, c'est aussi fort bien troussé, et ça nous parle aussi de cette lullaby, cette fois-ci ils sont perdus dans une berceuse. Tout de suite, Evelyn's Dust. Thank you. TV's on till late at night. She won't sleep, no read, no fight. Shadows eat the light. She's tired, she's resigned. Can I help? Should I cry? I know the beast haunts you bad at times. You show tears and miles apart. It shreds her heart. You're strong, you have no fear. You're not you, now you're not here. Since I need your warm blue eyes, give the strength to a broken smile. Just embrace the light and please shake my hand. Don't let go, don't pretend. Every load is a little more of you. Every time I think you need us more, but we need you more. Oh, just for you, let us help you fight it too. Les Italiens Devlin's Dust, Evelyn's Dust, et un album intitulé K. Album d'un groupe allemand, publié toujours sur le label Progressive Promotions Records, un groupe qui s'intitule The Lie, le mensonge, un titre d'album Seven Steps to the Green Door, 7 marches pour aller vers la porte verte, une somptueuse pochette, vraiment très très belle, et vous allez voir, la musique est à la hauteur de cette pochette. Tout de suite, The Lie. commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Dunker ! Sol, 100.7. Eh bien, ça déménage, ces petits menteurs, The Lie, Seven Steps to the Green Door. Côté concert, eh bien, il se profile à l'horizon fin du mois de mai, le 30, 31, 1er, le Proc Sud. Et oui, Proc Sud, descendez pour le week-end de l'Ascension dans le Midi, je l'ai fait, ça y est, je suis content. Un festival de prog incontournable, j'ai noté notamment, parce qu'il y a une foultitude de groupes, trois groupes par soirée sur 3 jours, j'ai noté notamment les Italiens de Finistère et les Italiens de Sindone. Donc deux groupes que je vais m'empresser d'aller voir, mais il n'y a pas que ça, il y a Io Earth entre autres, et j'en passe. Regardez vite sur internet, Proc Sud, ne ratez pas cette édition, je pense que ça va donner. Voilà, je reviens en deux mots, bien sûr, sur Ange, puisque avec l'ami Nicolas, eh bien, nous étions au concert à Bourg-en-Bresse de Christian Descamps et fils, un duo acoustique qui nous a enthousiasmé comme d'habitude, à la fois des sketchs de Christian Descamps, des morceaux solo de Christian et de Tristan, et des duos dont notamment le Quasimodo. Voilà pour l'actualité passée des concerts. On reviendra en juin sur ce qui se profile à l'horizon du côté des Nuits de Fourvière et du Printemps de Bourges. Oh, ce lapsus. De Pérouge. Il y a des très belles choses. On reviendra là-dessus dans l'émission de juin. Voilà, c'est l'heure de finir en douceur, en beauté. J'aime beaucoup passer quelques, entre guillemets, vieilleries, histoire de réviser un petit peu les choses, de voir d'où vient notre cher prog adoré. Je vous propose décidément s'arrêter une émission très germanique. Le groupe Triumvirat, un trio qui était très proche de LP, même par moments, à mon humble goût, un peu supérieur, moins pompeux et un peu plus mélodique. Mais j'arrêterai là mon analyse. Triumvirat, je suis tombé tout récemment dessus. Pompéi, c'est un album de 77, au moment de la reformation du groupe. Et vous allez voir, c'est vraiment pas mal du tout. Triumvirat. Which made their conscience lazy, life was happily tuned to take it easy, seemed the golden rule, but again they ignored the tune. Vesuvius scored a scream of raw distortion, glowing rocks he used as drums and cymbals. A special effect, which didn't look like a gag. He tore from pay apart, descending into part three. He gave the encore for free. c'était Prog à part, l'émission du rock progressif, donc l'émission du mois de mai. On se retrouve lundi 3 juin, 20h30, 22h30, juste après l'émission de jazz de l'ami Chris. Sinon, rendez-vous au Prog Sud, c'est pas si loin, les Pennes Mirabeau, c'est au nord de Marseille. Cette émission sera en podcast dès demain, je pense, sur le site d'Acid Dragon. Il y en a 150 autres à écouter, réécouter ou découvrir. Voilà, je vous pète la miaille et tenez tati, à que la prochaine !